Luc chapitre 19. Et Jésus étant entré dans Jéricho, allait par la ville. Et voici, un homme, appelé Zachée, qui était principal péager, et qui était riche, tâchait de voir lequel était Jésus, mais il ne pouvait à cause de la foule, car il était petit. C'est pourquoi il accourut devant, et monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par là. Et quand Jésus fut venu à cet endroit-là, regardant en haut, il le vit, et lui dit, « Zachée, descends promptement, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et il descendit promptement, et le reçut avec joie. Et tout voyant cela, murmurait, disant qu'il était entré chez un homme de mauvaise vie pour y loger. Et Zachée se présentant là, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un en quelque chose, j'en rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et comme ils entendaient ces choses, Jésus poursuivit son discours, et proposa une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'il pensait qu'à l'instant, le règne de Dieu devait être manifesté. Il dit donc, un homme noble s'en alla dans un pays éloigné, pour se mettre en possession d'un royaume, mais dans la vue de revenir. Et ayant appelé 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 marques d'argent, et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. » Or ses citoyens le haïssaient, c'est pourquoi ils envoyèrent après lui une députation, pour dire, « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » Il arriva donc, après qu'il fut retourné, et qu'il se fut mis en possession du royaume, qu'il commanda qu'on lui appelât ses serviteurs à qui il avait confié son argent, afin qu'il sût combien chacun aurait gagné par son trafic. Alors le premier vint, disant, « Seigneur, ton marque a produit 10 autres marques. » Et il lui dit, « Cela va bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, et puissant sur 10 villes. » Et un autre vint, disant, « Seigneur, ton marque en a produit 5 autres. » Et il dit aussi à celui-ci, « Et toi, sois établi sur 5 villes. » Et un autre vint, disant, « Seigneur, voici ton marque que j'ai tenue enveloppée dans un linge. Car je t'ai craint, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as point mis, et tu moissonnes ce que tu n'as point semé. » Et il lui dit, « Méchant serviteur, je te jugerai par ta propre parole, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai point mis, et moissonnant ce que je n'ai point semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent à la banque, et à mon retour je l'eusse retiré avec l'intérêt ? » Alors il dit à ceux qui étaient présents, « Ôtez-lui le marque, et donnez-la à celui qui a les 10. » Et ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 marques. Ainsi je vous dis, qu'à chacun qui aura, il sera donné, et à celui qui n'a rien, cela même qu'il a, lui sera ôté. Au reste, amenez ici ses ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les devant moi. » Et ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem. Et il arriva, comme il approchait de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée des Oliviers, qu'il envoya 2 de ses disciples, en leur disant, « Allez à la bourgade qui est vis-à-vis de vous et y étant entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel jamais homme n'est monté, détachez-le, et amenez-le-moi. Que si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui direz ainsi, c'est parce que le Seigneur en a besoin. » Et ceux qui étaient envoyés, s'en allèrent, et trouvèrent l'ânon comme il le leur avait dit. Et comme ils détachaient l'ânon, les maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Ils l'emmenèrent donc à Jésus, et ils jetèrent leurs vêtements sur l'ânon, puis ils mirent Jésus dessus. En même temps qu'ils marchaient, ils étendaient leurs vêtements par le chemin. Et lorsqu'il fut proche de la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples se réjouissant, se mit à louer Dieu à haute voix, pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Que la paix soit dans le ciel, et la gloire dans les lieux très hauts. » Et quelques-uns d'entre les pharisiens de la troupe lui dirent, « Maître, reprends tes disciples. » Et Jésus répondant, leur dit, « Je vous dis, que si ceux-ci se taisent, les pierres même crieront. » Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant, « Oh, si toi aussi eusses connu, au moins en cette quinzaine journée, Les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux. Car les jours viendront sur toi, que tes ennemis t'environneront de tranchées, ils t'enfermeront, et t'enserreront de tous côtés, et te raseront, toi et tes enfants qui sont au-dedans de toi, et ils ne laisseront en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. Puis étant entré au temple, il commença à chasser dehors ceux qui y vendaient, et qui y achetaient, leur disant, il est écrit, ma maison est la maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et il était tous les jours enseignant dans le temple, et les principaux sacrificateurs, et les scribes, et les principaux du peuple, tâchaient de le faire mourir. Mais ils ne trouvaient rien qu'ils lui pussent faire, car tout le peuple était fort attentif à l'écouter.